Laissez les vieux cartons dans les greniers. Laissez les vieilles personnes oublier. Juste histoire d'effacer le temps passé. Juste histoire d'oublier. Laissez les vieilles affaires du grand-père. Rangez les nappes rondes de nos grands-mères. Laissez aussi leurs histoires derrière. Les robes blanches, les chaussures qui brillaient. Les repas de famille sur toile cirée. Dans le jardin d'été. Aujourd'hui, maintenant, chacun pour soi. Même les tables ne sont plus en bois. J'aurais aimé revivre ça une fois. Dialogue pendant les repas. On ne se prend plus jamais dans les bras. Sauf quand quelqu'un s'en va. Déserter les villages de nos provinces. Accoucher nos enfants. Ces villes où plus personne ne se connaît.